Section 13 de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatreau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Fort comme les Archambault. Le comté de l'Assomption est le berceau de la famille Archambault, très nombreuse d'ailleurs, et dont les ramifications s'étendent sur toute la province de Québec, dans le clergé, la magistrature, la politique, les emplois publics, etc. Ils ont bien justifié le dicton populaire, bien connu dans tout le comté, fort comme les Archambault. Et ils laisseront certainement une marque indélébile dans notre histoire, ce qu'ils ont bien mérité par leur grand talent. Un jour, un habitant de l'Assomption, voulant abattre une demi-douzaine d'érables, engagea deux Archambault, de solides gaillards, universellement reconnus comme les deux hommes les plus forts de la région. Il leur donna deux haches, un godin d'art et deux coins de lard, en leur recommandant de faire diligence et de scier ces arbres en billots de 12 pieds de longueur pour en faire du bois de service. Ils abattirent la plus grosse des 6 érables et se mirent en train de la scier, mais ça ne marchait pas du tout. Vers les 2 heures de relevé, l'habitant se rendit au bois pour voir où en était rendu son ouvrage. Lorsqu'il trouva les 2 hommes face à face, tenant chacun un des manchons du godin d'or, ils avaient à peine effleuré l'écorce et se regardaient en chien de faïence. « Qu'est-ce que donc vous avez fait depuis ce matin que vous êtes là? C'est pas correct, ça? C'est pas notre faute, monsieur Pinchot. On a fait ce qu'on a pu, mais on est fort à fort. » Les élèves d'une école laïque présentent une adresse et un cadeau à leur maîtresse, une Irlandaise, parlant le français comme nous. Une des élèves, de retour chez elle, raconte ce qui s'est passé. « Et puis, qu'a fait Mademoiselle M ?» demande le père, en apprenant tout cela. « Elle a braillé, pas pour rire. » Un chien extraordinaire. Un de mes amis possède un chien phénoménal. Il me disait un jour, « Il ne lui manque que la parole, et encore, hein ?»« Oui, l'autre jour, je suis sortie avec lui pour aller à la chasse, et comme je venais de tuer un gibier quelconque, je lui dis d'aller le chercher. « Où ça ?» me fit-il. « Ah !» Fin de la section 13, lue par Sandra près de Montréal, 2026.